Chapitre 8. La haute main. Sans nul doute, son départ avait été signalé aussitôt, car en passant la porte de l'abbaye, il vit le chasseur se précipiter avec un salut. « Monsieur Lagnard ?»« Oui, c'est moi. L'auto de monsieur est avancé. »« Ah, bah !» Et d'un bref coup d'œil, Lagnard examina une superbe limousine noire qui, arrêtée au bord du trottoir, ronronnait de la plus engageante façon. Il sourit d'un air approbateur. « Merci quand même du cadeau, » fit-il en glissant un pourboire dans la main du chasseur. Mais avant de se confier à ce véhicule bénévole, il prit la peine d'examiner le chauffeur, un mécanicien de bonne mine, engoncé dans une riche livrée noire relevée de brandebourgs de soie, mais de même que la voiture, vierge de tout insigne. « Je présume que vous savez où je désire aller, mon garçon. » Le chauffeur porta la main à sa casquette. « Mais naturellement, monsieur. » « Alors, menez-moi là, par le plus court chemin. » Ayant répondu par un léger signe de tête au salut du chasseur, Lagnard se laissa aller avec délices sur des coussins particulièrement luxueux. Il commençait à se ressentir un peu de la fatigue des dernières 36 heures. Mais sa jeunesse était encore si pleine de vie, si imprégnée de force et de vigueur, qu'il aurait pu au besoin aller encore aussi longtemps sans dormir. Néanmoins, il saisit avec joie l'occasion de prendre quelques minutes de repos afin de se mieux préparer à la culmination occulte de son aventure. Sans parler de ce qui pouvait s'en suivre de cette violation de tous les principes qui avaient jusque-là sauvegardé son bien-être. Et il avait le regret de se dire qu'il eût qualifié d'imbécile tout autre que lui qui serait allé, comme il le faisait, affronter la meute dans son repère, sans autre arme que son intelligence et un revolver, pour protéger à la fois 10 000 francs, les bijoux de Madame Humbert, les plans huissements et, qui sait, sa vie. C'était une folie, peut-être. Malgré cela, il persévéra. Il voulait jouer la partie comme elle se présentait. Quant à sa destination prochaine, il était assez peu dans son tempérament de s'en préoccuper. Il connaissait si bien Paris qu'un simple coup d'œil en quittant la voiture suffirait à le renseigner sur la topographie du lieu. Il réfléchit une minute avec admiration à la simplicité avec laquelle cette affaire de l'abbaye avait été conduite, car il ne trouvait aucune raison précise de soupçonner n'importe qui de l'établissement d'une complicité criminelle avec les projets de la meute. Un ordre supposé au maître d'hôtel, pour retenir une table, 10 francs aux chasseurs, et 20 autres à la danseuse pour jouer leur rôle dans une mystification supposée, et la chose avait été arrangée sans même devoir acheter une conscience. Tout à coup, mettant fin à une course beaucoup plus brève que Lagnard ne le souhaitait, la limousine stoppa le long d'un trottoir. Il se pencha en avant, abaissa la glace et, regardant la portière, poussa un grognement de profond mépris. Si c'était là toute l'ingéniosité de la meute, vraiment, il comptait sur quelque chose d'un peu plus original, de la part d'hommes assez doués d'esprit et d'imagination pour combiner les phases préliminaires de cette intrigue. L'auto s'était arrêté en face d'une institution qu'il connaissait bien, beaucoup trop même, pour son propre intérêt. Néanmoins, il consentit à sortir. « Êtes-vous sûr de m'avoir mené où il fallait ?» demanda-t-il au chauffeur. « Mais certainement, monsieur, » répliqua l'autre, en portant 2 doigts à sa visière. « Ah, fort bien !» murmura Lagnard avec résignation. Et, jetant à l'homme une pièce de 100 sous, il frappa à la porte de ce qui semblait être un quelconque hôtel privé de la rue Chaptal, entre l'impasse du Grand Guignol et la rue Pigalle. Or, le néophyte a besoin d'être présenté par un répondant sûr pour être admis au siège du cercle des amis de l'humanité. Mais il suffit à Lagnard de frapper pour obtenir un droit d'entrée immédiat. Le triste fait est qu'il en était un membre des plus haut placés, car cette société, de but prétendu altruiste, n'était ni plus ni moins que l'une de ces nombreuses maisons de jeux privées que le gouvernement français tolère plus ou moins ouvertement, malgré une sévère législation ad hoc, et le jeu était la passion dominante de Lagnard. Un héritage de Bourque, tout autant que le reste de ses capacités professionnelles. À chacun son vice, comme disait Bourque pour s'excuser de ce défaut. Et le jeu est peut-être le vice le moins nuisible à un professionnel de la pègre, car cela ne peut guère l'entraîner à des extrémités plus fâcheuses que celles d'où il tire ses moyens d'existence. Dans l'opinion de Paris, le comte Rémy de Morbihan lui-même était à peine un peu plus désinvolte par ailleurs que M. Lagnard. Naturellement, avec une telle réputation, ce dernier avait libre accès aux somptueux salons dans lesquels les amis de l'humanité, se consacrer à la roulette, au bridge, aux enchères, au baccarat et aux petits chevaux. Cette liberté, il se mit alors au devoir d'en user et entra le chapeau un peu incliné de côté, les mains dans les poches, l'ombre d'un sourire sur les lèvres et une lueur de malice dans le regard. Bref, son expression reflétait exactement la dernière phase de son humeur. La conduite de la meute, où il voulait voir un exemple de fade imbécilité, ne lui inspirait plus qu'une pitié dédaigneuse. Et cette humeur ne se modifia en aucune façon quand, selon son attente, il découvrit Monsieur le comte Rémy de Morbihan, debout auprès d'une des tables de roulette, surveillant le jeu et de temps à autre risquant le maximum pour son compte personnel. Un éclair de joie illumina le masque ingrat du comte quand il vit s'approcher Lagnard. Il le salua d'un joyeux petit geste de sa courte main velue. « Ah, mon bon » s'écria-t-il, « voilà donc que vous avez changé d'idée, mais c'est charmant !»« Et qu'avez-vous fait de votre ami l'Américain ?» demanda l'aventurier. « Il en a eu vite assez, et il est retourné chez Troyon. Soyez sûr que je n'ai pas insisté pour lui faire faire la tournée des Grands-Ducs. » « Alors, vous teniez réellement à me voir ce soir ?» interrogea Lagnard d'un ton innocent. « Plus que jamais, mon cher Lagnard !» affirma le comte avec pétulance. « Mais venez, » reprit-il, « j'ai un mot à vous dire en particulier. Ces messieurs m'excuseront. »« Faites !» répliqua Lagnard, et avant de céder au comte qui le tirait par la manche, il lança d'un air confidentiel à la table. « Notre ami a, je crois, l'intention de me régler les 20 livres qu'il me doit. » Quelques rires railleurs accueillir cette boutade. Du moins, reprit gaiement Lagnard, en suivant l'autre dans un coin où il pourrait causer sans témoin, je veux dire que vous m'avez gâché ce billet de la Banque d'Angleterre, hein ? Ce n'est vraiment pas cher, protesta le comte en tirant son porte-billet. 500 francs pour faire la connaissance de Monsieur le Loup solitaire. Plaisantez-vous ? Demanda Lagnard sans rire. Et d'un geste magnanime, il écarta le billet qu'on lui tendait. « Si je plaisante, moi, mais à coup sûr, vous n'allez pas nier. »« Mon cher, » interrompit Lagnard, « avant de rien affirmer ni nier, rassemblons d'abord les autres joueurs autour de la table, et puis nous examinerons la question. En attendant, il nous suffira de savoir que j'ai trouvé d'une part un message griffonné sur un billet de banque caché dans un lieu secret, et d'autre part, vous-même, monsieur le comte. Entre ces deux points et au-delà, il y a un mystère dont j'attends l'explication. » « Vous l'aurez, » promit de Morbihan. « Mais avant tout, il nous faut aller rejoindre ceux qui nous attendent. »« Pas si vite, » interrompit Lagnard. « Que dois-je comprendre par là ? Que vous souhaitez que je vous suive jusque dans l'antre de la meute ?»« Pourquoi pas ?» ricana de Morbihan. « Mais où est-ce ? Je ne suis pas autorisé à vous le dire. »« Voyons, j'ai des yeux. Pourquoi ne pas me satisfaire tout de suite ?»« Parce que vos yeux, avec votre permission, monsieur, seront bandés. » « C'est inadmissible. »« Pardon, c'est une condition formelle. »« Voyons, voyons, mon cher, nous ne sommes pas au Moyen-Âge. »« Je n'ai pas le choix, monsieur. Mes collègues... »« J'insiste, la confiance régnera des deux côtés, ou bien on ne traitera pas. »« Mais je vous assure, mon cher ami... »« Mon cher comte, c'est inutile, je suis résolu. Les yeux bandés, c'est absurde. » Nous ne sommes plus, dois-je vous le rappeler encore, dans le Paris de Balzac, ni d'Alexandre Dumas. Que proposez-vous donc ? Interrogea de Morbihan en se tortillant la moustache. Quel meilleur endroit que celui-ci pour la conférence se projeter ? Comment ? Ici ? Pourquoi pas ? N'importe qui vient ici, cela ne fera pas jaser. Je suis ici, j'ai fait la moitié du trajet, à vos amis d'en faire autant. Cela ne se peut. Alors, vous voudrez bien leur présenter mes regrets ? Vous nous livreriez à la justice ? Pas du tout. On ne fait de cadeaux qu'à ses amis. Mais l'intérêt que vous m'inspirez s'affaiblit si rapidement que si vous tardez davantage, je n'en donnerai pas de sous. Oh, zut ! Fit le comte dépité. Avec toute la bonne volonté du monde. Mais à présent, reprit Lagnard en se levant pour terminer l'entretien, vous m'excuserez de vous rappeler que le jour va venir. Il faut que je sois chez moi dans une heure. De Morbihan haussa les épaules. « À cause de ma grande sympathie pour vous, » grinça-t-il perfidement, « je ferai mon possible, mais je ne vous promets rien. »« J'ai toute confiance en vos facultés de persuasion, monsieur, » railla aimablement Lagnard. « À tantôt. » Et là-dessus, Assez satisfait de lui-même, il se dirigea vers une table où une grosse partie de chemin de fer allait son train, s'empara d'une chaise vacante, et au bout de 2 minutes fut si absorbé dans son jeu qu'il en oublia totalement la meute. En 15 minutes, il avait gagné 3 fois autant de milliers de francs. 20 minutes ou une demi-heure plus tard, une main se posa sur ton épaule et rompit le charme de sa passion. « Notre table est préparée, mon cher, » annonça de Morbihan avec son sourire inlassable. « On vous attend. »« Tout à votre service. » Raflant son gain et se trouvant beaucoup mieux loti qu'il ne le croyait, il céda sa chaise volontiers et laissa le comte lui prendre le bras et l'entraîner par le grand escalier jusqu'au second étage où de petites salles étaient réservées aux sociétés préférant jouer en particulier. « Il paraît donc que vous avez réussi, » plaisanta aimablement Lagnard. « J'ai amené la montagne à vous, » acquiesça de Morbihan. « Je vous sais gré de ce petit miracle. » Mais de Morbihan n'avait pas l'habitude de rire à ses propres dépens, et pour une minute même, il parut vouloir prendre ombrage de la légèreté de Lagnard. Mais il se borna à jeter un regard oblique à son compagnon, et ils arrivèrent à la porte du cabinet particulier. De Morbihan frappa, tourna le bouton et s'effaça en s'inclinant. Répondant par un salut de politesse, Lagnard consentit à passer le premier et pénétra dans une salle d'allure intime, meublée principalement d'une table de jeu à tapis vert et de 5 fauteuils, dont 3 étaient occupés, 2 par des hommes en habit et le 3e par quelqu'un en complet gris foncé de bonne coupe. Mais tous les 3 portaient des loups de velours noir. Lagnard les considéra l'un après l'autre et eut un petit rire. D'un ton piqué, de Morbihan annonça « Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter notre confrère, plus connu sous le nom de loup solitaire, Monsieur Lagnard, le conseil de notre association, connu de vous sous le nom de la meute. » Les 3 hommes se levèrent et s'inclinèrent cérémonieusement. Lagnard leur répondit par un salut froid et désinvolte. Puis il ricana de nouveau et plus ouvertement. « Une meute de canailles ?» Monsieur se sent bien à son aise, répliqua l'un aigrement. En votre compagnie, Popinot, pas plus que cela, reprit Lagnard, avec une légèreté assez dédaigneuse. Le personnage ainsi désigné, un épais ruffian de français, en habit de soirée râpé et mal coupé, tressaillit et devint pourpre sous son masque. Mais son voisin posa sur son bras une main conciliante, et Popinot, avec un haussement d'épaule, se rassit. « Ma parole !» s'écria Lagnard sans aménité. « On se croirait au théâtre. Êtes-vous sûr, monsieur le comte, qu'il n'y a pas eu erreur, que ces beaux masques ne se croient pas sur la scène du grand guignol ?»« Prenez garde, mon cher, vous allez trop loin. »« Vraiment, vous m'étonnez. Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous prendre au sérieux, citoyen ?»« Dans ce cas, vous constaterez vite que l'affaire, elle, est sérieuse pour vous, » grommela le nommé Popinot. « Vous vous le figurez ?» Mais vous êtes admirables, vous tous. En vérité, il ne manque plus que l'éclairage d'un solitaire bout de bougie, un crâne grimaçant, une coupe de sang sur la table pour que la comédie soit complète. Mais déjà comme ceci... Messieurs, vous devez vous sentir bien mal à l'aise, et j'ajouterai même aussi nigaud que vous le paraissez. De plus, je ne suis pas un enfant. Popinot, pourquoi ne pas nous laisser voir votre gracieuse physionomie? Et vous, monsieur Wertheimer? « Vous vous sentirez mieux à visage découvert, comme on dit, » ajouta-t-il en désignant d'un signe de tête l'homme assis à côté de Popinot. « Et quant à ce monsieur, » conclut-il en regardant le 3e, « je n'ai pas le plaisir de le connaître. » Après un rire bref, Wertheimer se démasqua et libéra un visage de type nettement anglais, rose et bien modelé, mais où des traces de sang sémitique justifiaient assez son nom. Et sur cet exemple, Popinot arracha son loup noir et dévisagea âprement Lagnard. Avec son habit miteux, on eût dit l'incarnation même du bourgeois offensé. Mais le 3e, celui au complet gris, ne bougea pas. Ses yeux seuls soutenaient impassiblement le regard de l'aventurier. Quoique plus âgé que Lagnard, il était de la même taille et de conformation très analogue. Une moustache brune ornait sa lèvre supérieure. Son menton était carré et fort à l'excès. La coupe de ses habits n'avait rien d'anglais ni de continental. « Je ne vous connais pas, monsieur, » reprit tranquillement Lagnard, étonné de se sentir presque en intimité avec ce personnage qu'il était pourtant sûr de n'avoir jamais rencontré. mais vous ne vous laisserez pas surpasser en civilité par vos amis ici présents, j'imagine. » Si vous voulez dire par là que je dois me démasquer, je refuse, répliqua l'autre avec brusquerie, en bon français, mais avec un accent nettement transatlantique. Américain, pas vrai? Et de naissance, si ça vous intéresse. Vous ai-je déjà rencontré? Jamais. Mon cher comte, dit Lagnard en s'adressant à de Morbihan, faites-moi le plaisir de me présenter ce monsieur. Votre cher comte s'en gardera bien, monsieur Lagnard. « S'il vous faut à tout prix un nom pour me désigner, Smith est assez bon. » Le ton énergique du personnage s'accordait bien avec son attitude de général. Lagnard reconnut en lui un caractère aussi peu souple que le sien. Inutile de perdre du temps à se disputer avec lui. « Cela n'a pas d'importance, » fit-il sèchement, et attirant à lui un fauteuil, il s'assit. « Dans le cas contraire, j'insisterai. » Ou bien je déclinerai l'honneur de recevoir les communications de ce comité cosmopolite. En vérité, messieurs, vous me faites trop d'honneur. Nous avons ici M. Wertheimer, qui représente la haute pègre d'Outre-Manche. M. le comte nous tient lieu du gratin de Paris, Popinot est le porte-parole de nos chers Apaches, et M. Bonassé Smith, à ce que je suppose, l'ambassadeur du banditisme new-yorkais. Il m'apparaît donc que vous vous adressez à moi comme représentant la fine fleur du monde louche européen. Il vous apparaîtra que moi, en tout cas, je goûte mal votre impudence, lâcha le gros Popinot. Mille regrets, mais j'ai déjà dit mon incapacité à vous prendre au sérieux. Pourquoi cela ? Demanda l'Américain menaçant. Vous vous trouveriez fort mal de nous prendre en plaisanterie, je vous assure. Vous ne m'avez pas compris, monsieur. Comment ? Ah oui, Smith. Ce à quoi je tiens tout d'abord, c'est à ne pas me laisser prendre par vous, en aucun sens. Car c'est vous, rappelez-vous, qui avez exigé cette rencontre et distribué les rôles. « Que voulez-vous donc dire par là ? » interrompit de Morbihan. « Ceci, messieurs, puisque vous voulez le savoir. » Et, abandonnant son ton de raillerie, Lagnard se pencha en avant et se mit à scander ses phrases en frappant sur la table avec son index. Par suite de quelque négligence de ma part, ou de votre habileté, je ne sais lequel des deux, peut-être les deux, vous avez réussi à pénétrer mon secret. Qu'en résulte-t-il? Vous devenez jaloux de mon succès. Bref, je vous porte ombrage. Je me retire toujours avec quelque chose que vous auriez pu prendre si vous aviez eu l'esprit d'y songer avant moi. Comme dirait votre complice américain, M. Smith le mystérieux, je vous fais la pige. Vous avez appris ça dans Broadway? Interrompit vivement l'Américain. Possible. Continuons. Vous assemblez donc, et vous vous creusez la cervelle pour élaborer un plan qui me contraigne à partager avec vous mes bénéfices. Je n'ai pas de doute que vous soyez disposé à me permettre de garder la moitié du produit de mes opérations, si j'accepte de m'associer à vous. C'est en effet la proposition que nous sommes autorisés à vous faire, acquiesça de Morbihan. En d'autres termes, vous avez besoin de moi. Vous vous êtes dit, nous ferons semblant d'être à la tête d'un syndicat criminel, comme ceux dont nous rebattent les oreilles ces idiots de romanciers, et nous le menacerons de lui interdire les affaires s'il refuse d'accéder à nos propositions. Mais vous avez négligé un point important, à savoir que vous ne possédez pas assez d'intellect pour vous tirer de ce rôle écrasant. Eh quoi ? Vous figurez-vous que je vais vous accepter comme les intelligences directrices d'un vaste système criminel ? Vous, Popinot, qui vivez en ménageant à la fois la police et vos sinistres rôdeurs de Belleville ? Ou vous, Wertheimer, voleur mouchard et maître chanteur de femmes sans défense ? Ou vous, de Morbihan, parce que vous vous faites des rentes en indiquant à une bande d'individus louches la place où chercher du butin dans les demeures de vos amis ? Il fit un geste d'impatience et s'allongea en arrière pour attendre la réponse de ce réquisitoire. Son regard, en parcourant les visages, n'en rencontra qu'un seul qui ne fut pas empourpré de rage, et c'était celui de l'Américain. « Et moi, ne m'oubliez-vous pas ?» suggéra tranquillement ce dernier. « Au contraire. » Je refuse de tenir compte de vous aussi longtemps que vous n'aurez pas le courage de me montrer votre figure. « Comme vous voudrez, mon cher, » ricana l'Américain. « Tirez de cela le parti qu'il vous conviendra. » Lagnard se redressa. « Eh bien, messieurs, j'ai mis au point votre cas. Il se résume en un vulgaire et maladroit chantage. Il me faut partager mes gains avec vous, ou sinon, vous me dénoncez à la police. C'est à peu près cela, hein ?»« Pas nécessairement. » ronronna de Morbihan en se caressant la moustache. « Pour ma part, déclara Popinot avec chaleur, je vous réponds que ce monsieur de la haute main, ici présent, ou bien travaillera avec nous, ou bien ne fera plus d'opérations dans Paris. Ni dans New York, ajouta l'Américain. Et l'Angleterre, on n'en dit rien ? Suggéra ironiquement Lagnard. Wertheimer lui répliqua sans trop d'assurance. Quant à moi, si vous voulez le savoir, je doute que vous trouviez encore toute facilité là-bas. Alors, que dois-je conclure ? Si vous avez peur de déposer une plainte contre moi, et ce ne serait guère prudent, je pense, votre intention est donc de me faire assassiner, hein ? Pas nécessairement, murmura le comte du même ton pensif, comme s'il avait tenu un atout caché. Il y a tant de façons d'arranger les choses, hasarda Wertheimer. Néanmoins, si je refuse, vous me déclarez la guerre. Quelque chose comme ça, concéda l'Américain. En ce cas, me voici enfin à même de bien juger ma situation. Lagnard se leva et de son haut adressa un gracieux sourire à ses auditeurs. Vous pouvez, tous les quatre, aller vous faire foutre. Mon cher ami, s'écria de Morbihan scandalisé. « Vous oubliez !»« Je n'oublie rien du tout, » trancha Lagnard froidement, « et ma décision est irrévocable. Considérez-vous comme libre d'aller de l'avant et de faire le pire. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui êtes les agresseurs. Déjà, vous avez eu l'impudence de contrarier mes dispositions. Vous avez entamé les opérations d'offensive avant de me déclarer la guerre. Aussi, maintenant, si vous recevez un coup de pied bas, il ne faudra pas vous en plaindre. C'est vous qui l'aurez voulu. Dites-nous donc ce que vous entendez par là, nasilla narquoisement l'Américain. Je vous laisse le deviner, mais je vous dirai ceci. J'espère bien que vous déciderez de me laisser la paix, car vous vous en repentiriez si vous me forciez la main. Il ouvrit la porte et se détourna pour les saluer avec une politesse sardonique. J'ai l'honneur de souhaiter le bonsoir à ces messieurs du conseil de la meute.